Alors comment ça va tout le monde? Vous allez bien vous? Vous chez vous? Vous dans votre voiture? Vous? Vous quoi? Moi ça va, merci, juste sorti du boulot. J'ai eu le temps de me faire escorter par la gendarmerie pour venir ici le plus vite possible. Merci à eux. Et du coup je suis à l'heure pour la saga des Fab Four numéro 591, bientôt la 600e. L'album de la semaine c'est Ben On The Run Underdubbed Mixed, c'est-à-dire, pour faire plus simple, c'est comme si on vous avait sorti Ben On The Run Naked ou Ben On The Run Stripped Down. Seulement, ils ont envie de changer de mot à chaque fois, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la même chose sans toutes les fioritures qu'on a rajoutées dessus. Voilà, tout simplement. Mais c'est très intéressant quand on est fan. On écoutera Ben on the Run, bien sûr, Jet. Il y aura Bluebird. Il y aura Let Me Roll It. Il y aura Mrs. Vanderbilt. Puis, en cadeau, 1985 et Picasso's Last Words. Donc, un de plus par rapport à l'habitude. Mais je crois que vous savez que Paul McCartney, c'est mon chouchou. Donc, quelquefois, je trichote un peu en rajoutant un McCartney par-ci, un McCartney par-là. Ça ne fait de mal à personne. Il y aura aussi du Lennon, du Harrison et du Starr. Pour Lennon, ce sera Intuition sur l'album Mind Games en 73. George Harrison nous chantera What is Life sur All Things Must Pass. Quant à Ringo Starr, ce sera Oh My My sur Ringo en 1973. Quant aux Beatles, ce sera Long Tall Sally, un single de 1964. Quelle belle année! Et c'est déjà la fin du générique, donc nous allons commencer la soirée avec ce titre, Ben on the Run, extrait de l'album Ben on the Run, Underdubbed Mix. J'ai réussi à le dire. intentions are good. I use my intuition, it takes me for a ride. But I never understood other people's superstitions. It seemed like suicide. And as I play the game of life, I try to make it better each and every day. And when I struggle in the night, the magic of the music seems to light the way. Intuition takes me there. Intuition takes me everywhere. Well, my instincts are fine. I have to learn to use them in order to survive. And time after time, confirmed or no suspicion, it's good to be alive. I'm deep down and out, and lose communication with nothing left to say. It's then I realize it's only a condition of seeing things that way. Intuition takes me there. Intuition takes me. Que j'utilise pour vous donner des anecdotes sur John Lennon, c'est l'intégrale Lennon de Paul Dunoyer. Et je le trouve parfois assez vache avec John quand même. Je vous lis ce qu'il dit sur Intuition. De la part d'un personnage moins sympathique que Lennon, cette chanson serait vraiment déplaisante. Construite sur une mélodie d'un entrain un peu écœurant, la chanson présente un Lennon de bonne humeur qui loue sa capacité supposée à voir le bon côté des choses et suggère que nous n'aurions pas entièrement tort de suivre son exemple. John avait peut-être raison de suivre son instinct, mais il avait dans de meilleures chansons reconnu les aspects plus sombres et plus turbulents de sa personnalité. Musicalement, la chanson est pauvre. Quant à l'élévation intellectuelle qu'elle professe, c'est un peu l'aveugle dans l'aveugle. Moi, je trouve ça dur. C'est certainement pas une grande chanson, mais c'est une chanson sympathique. What is Life Naked, le mix 2020, vous savez, déspectorisé. C'est George Harrison sur RG. What I feel, I can't say, but my love. Oh, Thank you. Depuis le début de l'émission, nous avons écouté Ben on the Run, Underdubbed, je vais y arriver avant la fin de l'émission, j'en suis sûr. Underdubbed Mixed, puis il y a eu Intuition de Lennon, What is Life par George Harrison. À l'instant, Ringo Starr nous a chanté Oh My My. Avant d'écouter les Beatles et Long Tall Sally, il nous faut parler du meilleur site pour tout savoir sur les Beatles. Ce site, c'est le site que tient Lovely Rita. Mais qui donc est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est BeatlesMagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? Quelle voix! On dit que John Lennon est le rocker, oui, mais McCartney n'est pas loin non plus. Hein. C'est vraiment très très bien. L'album de la semaine, c'est l'album Ben on the Run Underdubbed Mix. Voici un deuxième extrait, Jet, sur RIG. Yeah. La chanson comme ça est bien, mais quand on connaît l'original, il manque du punch. Mais c'est bien quand même, c'est vraiment bien. Voici les Traveling Wilburys sur RG 90.7. N'oubliez pas, 90.7, c'est la radio des Beatles, le mercredi soir, entre 20h et 22h. Slowly passing an orphan's home today, I stopped for just a little while to watch the children play. Alone, the boy standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child, I'm nobody's child, just like a flower I'm growing wild. No mama's arms to hold me, no daddy's mine, just like this, with rows and rows of children, babies in their cribs. They've long since stopped the crying, as no one ever hears. And is. Nobody's child. Nobody's child. Just like a flower, they're growing wild. Got no mommy's kisses. Traveling Wilburys, à savoir Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison seulement. Et à l'origine, dans le premier 33 tours, il y avait en plus Roy Orbison. Malheureusement, maintenant, il ne reste plus que deux, Jeff Lynne et Bob Dylan. Et on leur souhaite longue vie, parce que c'est bien, c'est très très bien des génies comme ça. Et surtout, le principe du Traveling Wilburys, c'était génial, parce que il n'y avait en principe pas d'ego. C'était... des potes qui jouaient pour s'amuser, aucun ne voulait prendre la vedette à l'autre, tout simplement parce que tout le monde était une vedette déjà avant même d'arriver dans ce groupe-là. Et donc, c'est bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais aussi envoyer un bonjour que je fais rarement, mais je sais que maintenant beaucoup plus de monde écoute. Bonjour à ceux qui nous rejoignent depuis le yellowsubmarine.net et bonjour à ceux qui nous écoutent depuis le macablog.net. C'est bien, je n'ai pas le temps d'écrire sur vos sites aussi, mais je pense à vous. Rock'n'roll sur la régie. Roll over Beethoven. My temperature's rising. Billy Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesmeur. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Je voulais pas passer souvent cette chanson-là et j'avais envie de vous la proposer ce soir. Vous savez, je vous ai souvent dit qu'en 74, Lennon John semblait un petit peu hors circuit. Il se sentait plus très très bien, plus à la page. Et il avait fait venir Elton John qui lui marchait vachement bien à cette époque-là. Il lui avait fait écouter ses bandes et Elton John avait dit « Whatever gets you through the night, tu vas voir, ça va marcher ». Et si ça marche, si ça te fait un numéro 1, tu viendras, tu feras une apparition avec moi en public et jure-moi que tu feras ça. Et ça a marché et c'est ce qu'il a fait. Et il se trouve pour la petite histoire que Yoko Ono était là et puis que ça a redémarré comme en 40 puisque entre 73 et 74, c'était le fameux week-end perdu pour John, c'est-à-dire une année de perdu sans Yoko Ono, ce qui personnellement depuis 59 ans passés ne me dérange pas. Mais voilà, c'est comme ça. Bref, voici la version dans laquelle Elton John présente John Lennon et ils vont chanter plusieurs chansons, dont le fameux I Saw Her Standing There qu'il présentera en disant « Cette chanson-là, c'est une chanson d'une vieille fiancée à moi nommée Paul » et il chantera « I Saw Her Standing There ». C'est la seule version, je crois, chantée par John Lennon. Voici la version « Whatever Gets You Through the Night », Elton John et John Lennon en live. Seeing it's Thanksgiving, And Thanksgivings are joyous occasions. We thought we'd make tonight a little bit of a joyous occasion. Oh, look, comme c'est Thanksgiving, on va fêter ça en faisant une apparition sur scène. Quelqu'un qui va vous plaire, c'est mon grand privilège et votre grand privilège de recevoir John Lennon. Merci à lui, merci à Elton John d'avoir relancé John Lennon. Oh, pas pour longtemps, puisqu'en 75, il va décider de faire un arrêt dans sa carrière grâce au fait que Yoko Ono était enceinte de Sean, et comme il avait plutôt raté son côté paternel en 63 pour Julian, puisqu'il était préoccupé par sa carrière et sa vie de Beatles, il s'est dit, Sean, voilà, je vais m'en occuper. Je vais faire ça bien, je vais pas rater mon côté père. Et il l'a fait pendant 5 ans, et c'est très très bien, merci à lui, bravo. Ça nous a manqué, nous, pendant 5 ans, mais c'était bien. Bon, l'album de la semaine, quand même, c'est un album de Paul McCartney. L'album s'appelle Ben on the Run, Underdubbed Mix.

fois que je réenregistre ça parce que je trouve que l'enregistrement est un petit peu bizarre. Mais l'essentiel est là. Une partie de la face B d'Abbey Road, je sais que vous l'adorez. Je sais que, en général, je la passe à la fin de l'émission et vous vous dites, ça y est, l'émission est terminée. Eh ben non, il reste encore 57 minutes plus les deux habituels de Rob. Donc, on peut y aller. Voici l'album de la semaine. L'album de la semaine, Ben on the Run, Under Dubbed Mix. Oui, c'est ça. Et cette chanson, Let Me Roll It, dans laquelle McCartney fait une, comme les caméléons, fait une imitation du style de John Lennon. Il prétend qu'il l'a pas fait exprès. Oui, il y a d'autres. Moi, je trouve qu'il l'a fait vraiment exprès. Tout dans le style rappelle John Lennon, mais c'est du McCartney. We'll be right back. nous arrivons à la saga, à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou même une fois les carrières séparées, puisque, par exemple, George Harrison a repris des chansons comme Baltimore Oriole, qui datait de 1930 et des poussières. Ringo Starr, dans son premier 33 tours post-Beatles, n'a fait que reprendre des chansons des années 30-40, etc., etc. Bref, cette chanson, ça peut être un artiste connu qui le chante, ou ça peut être vous, car vous êtes musicien, et si vous m'envoyez une chanson, faut que ce soit une cover chantée par John, Paul, Ringo ou George, hein, s'il vous plaît. Eh bien, je peux la passer dans la saga, pourquoi pas. Lui, il est connu quand même, hein. Justement, c'est l'un des pères des Beatles. Il s'appelle Chuck Berry. Et la chanson que nous allons entendre, nous l'avons entendue tout à l'heure chantée par George Harrison et les Beatles, forcément. Cette chanson date de 1956, elle est sortie en single. C'est Roll Over Beethoven, façon Chuck Berry. Temperature rising, the jukebox blowing the fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over, Beethoven. Dig these rhythm and blues. Big Papa, picture. Sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Et tout à l'heure, de 22h jusqu'à minuit, ce sera la radio de Johnny Hallyday, puisqu'Eric consacrera son émission à Johnny de A à Z, et c'est toujours très, très, très bien.

serait pas capable de faire comme ça de bonne manière. Mais enfin, bon, c'est quand même sympa. Alors, Pascal dit sur Facebook que lui, il aime bien cette version sans le saxo. Ben moi, j'aime bien la version avec le saxo, j'aime bien la version finale. Mais bon, celle-ci est bien aussi, hein, c'est le... La version, finalement, qu'il pouvait enregistrer sans faire de réorchestration par-dessus. C'est ça, c'est ce que veut dire underdubbed. Mais voilà, la chanson suivante, c'est John Lennon. Bon café, Rook. Oui, encore une fois. En 1980, s'il n'avait pas laissé la place à sa femme Yoko Ono sur la moitié du disque, il aurait travaillé la chanson qui n'est parue que 3 ans plus tard sur l'album Milk and Honey. Il aurait travaillé cette chanson, I Don't Want to Face It. Et ça aurait certainement été quelque chose d'encore mieux. Là, avec le démarrage, si ça ne fait pas la bande qui démarre, RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Il me semble que la semaine dernière, j'avais fait un lapsus aussi. Je m'étais trompé d'époque en parlant de Liverpool 8, où c'était In Liverpool, la chanson. Et j'avais dit que c'était extrait de l'album Liverpool 8 pour Ringo Starr. Ce qui était faux, c'était extrait de l'album Ringo 2012. Alors voici la chanson Liverpool 8, sortie de l'album Liverpool 8, et parue quand, à votre avis? En 2008, oui, parce que 2008, Liverpool 8, etc. Ça va de soi. I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckland's camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you, said good. agent Paul and my friend John. We rocked all night, we all looked up. We didn't have much, but we had enough. Liverpool, I left you, said goodbye to Madrid Street. For those four boys from Liverpool. Liverpool, I left you, said goodbye to Admiral Grove. I always followed my heart, so I took it on the road. Destiny was calling, I just couldn't stay. Shelter in the middle of the roundabout. A pretty nurse is selling poppies from a tray, and though she feels as if she's in a play, she is anyway. In Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a train. Penny Lane is in my ear and in my eye. There beneath the blue suburban skies, I sit a meanwhile back. Penny Lane is in my ear and in my eye. There beneath the blue suburban skies. Vous savez ce qu'on fait avec les CD? On retourne la face de façon à écouter l'autre côté du single. Le voici, Strawberry Fields Forever sur RG. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. On n'arrête plus la musique parce que Eric est impatient de commencer son émission. Donc, les deux derniers extraits de l'album de la semaine, 1985 et Picasso's Last Words. Maintenant, sur RIG, restez branchés. before he went. He bade us well and said good night to us all. Drink to my health. You know I can't drink anymore. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. 3 o'clock in the morning. I'm getting ready. Without a warning, I'll be waiting for you, babe. I'll be waiting for you then. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. And in the afterbreeze, I've done it in the old man's shoes. Home! trees. Hey ho, is that day? Oh, oh, mommy, mango. Hey ho, want to go? Ho, hey ho. Pratiquement pour terminer cette émission, voici l'avant-dernière chanson I've Got a Feeling, les Beatles, John Lennon et Paul McCartney. No, no, no. You're on the road. the wrong side of the road. Somebody already told me, oh, just what I'm telling you. I've learned, ask anybody. Vous êtes du bon côté de la route. On réécoutera cette chanson une autre fois. Mais pour l'instant, la saga des Fab Four, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette saga jusqu'au bout. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une bonne saga. Et d'ici là, bah, restez avec Eric qui va vous parler jusqu'à minuit. Ça va être génial. Génial, génial, je le sais. À très très bientôt. Salut les filles, bisous les garçons. Ah non, c'est le contraire. Salut les garçons, bisous les filles. À très bientôt. Ciao. Yeah.